21. Une vengeance de M. Léonard. Le bruit courut, 3 semaines après, que Marianne était morte. On dit cela devant moi sans se douter et qu'on m'allongeait un coup de poignard. On ne l'eût pas dit devant ma belle-sœur, mais moi, je tombais dans les bras de votre père et je m'en fus après jusqu'au bout du rempart. J'embrassai l'arbre qui me retint avec une affliction forcenée. Je lui dis tout ce qu'un homme peut raconter de douleur lorsqu'il ressent la mort dans la vie. Et je me roulais sous la poussière. 2 heures après, je redescendis, soutenu par mon excellent frère qui m'avait suivi, et consolé par son triste silence. 8 jours se passèrent, et l'on me retira de mon linceul. Marianne vivait après avoir été à toute extrémité de la vie. Marianne était mariée, il l'avait épousée. Le remords venait de faire 2 malheureux. Moi, je ne comptais pas, je n'étais d'aucun nombre, créature isolée, inutile. J'acceptai mon sort dans une aride nullité, et je m'y établis comme je pus, sans me plaindre autrement que par mon irrévocable éloignement du monde. Ma figure devint peu à peu étrangère à ma ville natale, que je ne reconnaissais plus moi-même. J'allais, je venais par un instinct machinal, et je m'aperçus un beau jour, en levant les yeux autour de moi, qu'on avait la bonté de me regarder comme un aliéné, pas méchant, qu'on laissait doucement passer sans lui courir après, ou lui barrer le passage, en levant seulement les épaules avec compassion. Je ne goûtai nullement cette pitié qui me parut amère en diable. Je fis un bond hors de moi-même, pour me regarder passer et souffrir, résolu de me juger avec toute la raison qui me restait encore. Je souffrais fort mal. Je me vis avec une barbe énorme, noire et touffue, qui ne va bien qu'au sauvage ou au modèle d'atelier. Mon teint flétri rendait cet ornement de l'homme une assez mauvaise plaisanterie, dans un pays où on se fait régulièrement la barbe tous les jours. Ma mère et la vôtre avaient grand soin de renouveler mon linge, qui était fort blanc et de la plus fine batiste, mais ma cravate était mise à faire mal au cœur. Je fus étonné de voir que mes bas étaient torses et à l'envers. Mon gilet de satin brodé boutonné comme s'il y eut antipathie entre les boutonnières et les boutons, que la boucle de mon chapeau était tournée derrière ma tête, ce qui dans ce temps était une inconvenance choquante pour tout ce qui respirait en France, d'une manière un peu distinguée. J'entr'ouvris mes lèvres, amères comme si j'eusse mangé du fiel. Je retrouvais mes dents naguère si blanches, si belles, qu'on ne les comparait chez mon frère qu'à celles de Marianne, alors ternes et d'une teinte morte, qui me rappela celles que nous trouvions quelquefois dans le cimetière, au milieu de l'herbe et de la terre fraîchement remuée autour des tombes, quand nous allions nous y étendre au soleil, moi pour y rêver, vous pour y faire des couronnes de mauve et de marguerite. Je me ris amèrement au nez, en me regardant ainsi. Me voilà donc, dis-je, comme elle m'a fait, injustice, comme je me suis fait moi-même, sans doute telle là-bas. Et puis aime-t-on par ordre? M'en a-t-elle donné d'autre que de la faire danser un soir au bal, et de la conduire depuis à la diligence? J'ai obéi. Elle m'avait aussi commandé d'aller à Rome. À propos de Rome, j'avais un prix pour entrer dans ce pays des arts. J'ai bien peu de choses à y porter maintenant, et les yeux bien las pour regarder ces éblouissantes merveilles, ces Vénus, ces êtres fantastiques, dont pas un ne ressemble à Marianne, beauté unique, demi-déesse, demi-bourgeoise, demi-sainte et demi-pécheresse, qu'on ne peut prendre pour l'héroïne complète d'aucun roman, mais qui fera le mien tout entier, bien que les pages de notre histoire ne doivent jamais être reliées ensemble. Après ces raisonnements, que personne ne grondait, parce que je les faisais tout seul, je restais de nouveau des heures entières à regarder voler les papillons sur les tertres funèbres recouverts de fleurs, seul visiteur de ce lieu morne et muet. C'est là que je pris cette amitié que j'ai encore pour eux, me figurant qu'ils volaient en message de la part de parents ou d'amis fidèles, qui ne peuvent toujours revenir à leur mort bien-aimée. Ainsi l'air se peuplait de pensées d'âmes attristées, qui prenait cette forme légère et facile pour traverser l'espace. J'allais jusqu'à frémir de superstition, quand j'en sentais un m'effleurer la joue, me figurant que c'était Marianne qui l'envoyait elle-même par ce rapide voyageur. N'avait-elle pas pleuré devant moi? Et la pensée ne retourne-t-elle pas longtemps après encore à la chapelle où l'on a été consolé? Sa mère aussi entrait quelquefois chez moi. Elle s'asseyait longtemps sans me parler, tantôt me regardant, tantôt les yeux fixés à terre, les mains pendantes et tristes dans ses poches. Il y avait une attraction dans tout ce qui se passait à son insu dans mon cœur. Ah, c'était Marianne qu'elle cherchait, dont elle s'approchait en m'approchant. J'essayais de m'étourdir un soir et de faire la mauvaise tête. Marianne avait le tabac en horreur. J'en pris avec frénésie, jusqu'à me faire sauter le crâne. « Allons, courage !» disais-je, en respirant jusqu'au fond de la boîte. « Elle me haïra du moins pour quelque chose. » Mais j'en pris heureusement trop pour outrager longtemps la délicate mémoire de Marianne. Je tombai dans une ivresse qui me donna la fièvre. Et je jetai le lendemain cette vilaine vengeance dans les fortifications. Un vieux soldat, qui faisait sentinelle au pied de la tour Notre-Dame, crut que je lui envoyais cette tabatière en présent. Il m'ôta son chapeau et me porta sérieusement les armes. Grâce à mon épée, peut-être, il me prenait pour quelque chose de militaire. « Voilà, disais-je, il me croit généreux quand je ne suis que dégoûté et envieux. Car je le trouve heureux, lui, de pouvoir user quelques-uns de ses quarts d'heure sur une distraction qui me soulève et me rend malade, comme un débauché. Je tâcherai de peindre. »